Aïe, je suis avec mon pote Pro AP 113 Northside LGF Ragnet. Hein? D'où je viens, on prévient qu'une fois, écoute, écoute bien. Paris c'est trop hard, d'un coup de feu c'est easy, c'est ingrat. City, ça vend de la coke, ça baisse des putes pendant que la concurrence fait du lèche vitrine. Pourtant, on sait tous qu'ici bas on est que ce passage. C'est toujours les mêmes chiens qui rôdent dans les parages. Toujours les mêmes qui veulent ma peau, soit ma chute. J'ai beaucoup, beaucoup trop d'ennemis, mais je m'en fais pas. Parce qu'on m'avait prévenu que l'autre était une crapule. Et j'ai quand même voulu le faire qui est gros. Et gros, n'oublie pas que la plus grosse des poucaves, c'est le bigot. On m'avait prévenu que dans la vie fallait être fort, de montrer l'exemple aux petits. Bref, pour qu'ils s'en sortent, demande à mon Zakaya comment dehors. C'est hardcore, on oublie trop nos valeurs pour aller chercher l'or. On m'avait prévenu que dans la vie fallait être fort, de montrer l'exemple aux petits. Bref, pour qu'ils s'en sortent, demande à mon Zakaya comment dehors. C'est hardcore, on oublie trop nos valeurs pour aller chercher l'or. On m'avait prévenu que les études auraient dû m'éloigner de la drogue, du quartier et des embrouilles fidèles aux attitudes. Venant mes frais comme le refrain qui reste le mec que j'appelais refrain. Ne mincera un prêt de trait. À ce qui paraît, il faut l'offrir à le vendre. Bref, tu me connais, je m'en bats les yeux coups. Pour ma part, c'est pas donné, mais j'oublierai jamais les dégâts que t'aurais pu causer. Mais m'a fait prévenu qu'à ces spigeurs a eu un 11, je l'ai eu. Quand j'ai su que la personne qui avait le gun faisait la loi, c'est parce qu'il n'y en ait un. Comme lui, ambitieux qui prennent ses couilles et décident de le douiller. Mais m'a fait prévenu que beaucoup trop feront les hauts. J'ai fait ci, j'ai fait ça. On croit pas que t'es déjà braqué, ça nous intéresse pas. J'en connais des vrais voyous qui réagissent, qui parlent pas. On m'avait prévenu que dans la vie fallait être fort, de montrer l'exemple aux petits. Bref, pour qu'ils s'en sortent, demande à mon Zakaya comment dehors. C'est hardcore, on oublie trop nos valeurs pour aller chercher l'or. On m'avait prévenu que dans la vie fallait être fort, de montrer l'exemple aux petits. Bref, pour qu'ils s'en sortent, demande à mon Zakaya comment dehors. C'est hardcore, on oublie trop nos valeurs pour aller chercher l'or. On m'avait prévenu. Hein, frère? Tu sais que dans la vie, faut montrer le bon exemple aux petits. Qui sait, à ton petit frère aussi. Mafia africaine, gros, on t'avait prévenu. Dehors, c'est la guerre. 1-1, 9-4, 9-5. Aïe.